Merde, je mets au début. Tu branches, d'accord. Putain, j'ai perdu la piste. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je fais une bêtise.